Parce qu'une guerre nucléaire à l'échelle planétaire entre les animaux humains, ce que les autres appellent, donc entre les humains, va bousiller totalement leur génétique. Elle est trop faible, puis le nucléaire, c'est extrêmement dangereux. C'est eux qui vont s'arranger pour qu'il y ait une pollution maximum au niveau, donc engendrée par les gouvernements, une pollution maximum au niveau de l'acide sulfurique, enfin du sulfure, du nitrate, qui engendre des plus acides aussi, mais pour essayer de recréer une atmosphère qui pourrait... Bref, ils sont bien, extrêmement mal pris. Et en échange de technologies et d'informations d'un pays à un autre, ils sont parvenus finalement à diriger suffisamment bien le deuxième bureau, les services de renseignement de sécurité canadiens, la CIA, le British Secret Service, enfin, puis un paquet d'autres comme ça aussi, le Mossad. Donc, ils sont un peu partout au niveau des contacts. Et ce sont des agents pluralitaires, pas doubles, eux autres, parce qu'ils sont vraiment partout. Là. Mais comment est-ce qu'ils font pour être capables de gouverner, d'influencer les gens comme ça? S'ils ont de l'air des lézards, là, approcher des gens au gouvernement, là, ça ne doit pas être facile. Ils se déguisent, qu'est-ce qu'ils font? Mais ça dépend, parce qu'il faut voir. Ils ont beau être des policiers. C'est là, toi. Il y a du monde habitué à voir du monde bizarre. Mais non, c'est une question de technologie. Premièrement, les Américains, les Soviétiques, les Français, puis un paquet d'autres ont souvent rencontré des vaisseaux. Ils ont réussi souvent à ramasser des choses provenant des extraterrestres. Ça fait longtemps qu'ils sont connus, ça fait longtemps qu'ils sont sus. Dernièrement, je disais ici en conférence, après une visite au musée des civilisations à Hull, vous allez dans la partie amérindienne, puis vous faites tout le circuit complet, et à la fin, on a une espèce de grande de tapisserie. C'est une chose qui était tissée. Et là-dedans, on voit un personnage au milieu qui a 5 doigts, entouré de personnages qui ont 3 doigts. Les extraterrestres ont habituellement 3 doigts. Et la légende, ça c'est une vieille affaire, la légende là-dedans, c'est que ça, c'était des dieux qui sortaient de sous la terre pour venir kidnapper des humains. Et là, on parle de plusieurs centaines d'années. Encore même dans ce temps-là. Même dans ce temps-là. Ça a toujours été là, bien avant l'humain. D'ailleurs, ils ont déjà essayé de se mélanger à l'humain plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Et on a donc des traces de la présence intraterrestre à travers l'histoire, à travers les stèles. Allez faire un tour dans le Pétain au Guatemala de temps en temps, vous allez voir. C'est une histoire vierge, j'ai remarqué, là, mais... Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Il y a plusieurs endroits comme ça sur la planète Terre où on peut rencontrer quand on a l'œil pour regarder. Parce qu'on dit, ah ben tiens, le sculpteur, il a mis seulement 3 doigts. Pas de problème. C'est drôle, en Égypte aussi, il y en a quelques-uns. Et quand on s'informe des légendes qui accompagnent ces personnages, ce sont toujours des personnages maléfiques qui viennent kidnapper. De toute façon, il y a plusieurs grands parcs d'attractions sur la planète qui sont très, très, très bien organisés pour l'enlèvement d'enfants. Mais ça, un humain qui n'en rencontre pas, là, comment il manipule? Il est manipulé par ces êtres-là? Non, il est manipulé par son gouvernement. On vote, ça change pas. Écoutez, on les occupe pour dire que nos gouvernements, nous autres au Québec, c'est pas bien, bien fort. Ils ont en masse, juste les gouvernements, les entités, les manipulations astrales, c'est suffisant. Ils n'ont même pas besoin de rencontrer les extraterrestres. Ils n'ont pas beaucoup de travail. Non, mais écoutez, pendant que tout le monde crève de faim, il faut s'entendre, là, pendant qu'il y a des problèmes au Québec, ils parlent encore de choses que ça n'a vraiment rien à voir. C'est ton blé, t'es en train de mourir, puis on se demande encore quelle couleur comme culture. Bon, rouge ou bleu, tu sais. C'est ça. Il y a eux autres, donc, ici, qui sont là pour nuire. Enfin, ils ont besoin de l'être humain, donc, comme cobaye, puis comme contexte planétaire. Alors, c'est une force assez puissante au niveau des structures gouvernementales. T'en veux d'autres? Bien, parmi les forces qui sont là, est-ce qu'il y en a qui nous affectent personnellement? Bien, il y a l'aspect astral. C'est sûr que ça, au niveau des forces astrales, ça affecte tout le monde sans arrêt. Et c'est ce qui... La grande, grande, grande force qui gouverne l'homme... C'est les forces d'obscurantisation, donc les forces astrales, qui vont faire en sorte que sans arrêt, l'humain va avoir des désirs, des goûts, des émotions qu'il ne veut pas, et qui vont régulièrement amener l'humain à vivre une vie qui n'est pas en affinité avec son intelligence. Et là, on peut regarder l'histoire de l'humain, où on va se rendre compte que la majorité des décisions que l'humain prend, ce sont des décisions qu'il n'aurait pas dû prendre. Les possibilités qu'il aurait pu avoir d'améliorer sa vie, il ne les prend pas. Il aura peur, sera inquiet, il va mijoter, il va méditer. La majorité des gens, par exemple, qui sont incapables d'apprendre, de comprendre, qui comprennent tout, 2 heures après, ils n'ont rien compris. Ça, il y en a. La majorité des forces qui vont gouverner l'homme sont les forces astrales qui interviennent dans la pensée humaine et qui se juxtaposent à l'identité humaine. Alors, l'humain pense que c'est lui. Ils font croire que c'est toi qui veux ça, mais c'est eux autres. Leur intérêt, c'est que... Se nourrir eux autres, se nourrir émotivement de l'être humain. Ah, c'est de se nourrir émotivement. Puis là, ils voient... Ceux qui sont en couple, vous vous disputez. Aimez-vous ça, vous disputez? Non, disputez-vous plus. Simple. Bon. Ceux qui avaient peur, aimez-vous ça, avoir peur? Non, n'ayez plus peur. Simple. ceux qui sont jaloux. Mais vous êtes jaloux. Non, je n'ai plus jaloux. L'astral, c'est nous. Ouais, mais ces forces-là vont te ramasser, aidées par des entités astrales, et puis il n'y a rien à faire. Ils contrôlent ton système endocrinien, contrôlent un paquet de choses, vont contrôler ton centre laryngé, engendrant des paroles fausses. Tu transpires juste parce que tu as rencontré quelqu'un d'important. Mais pourquoi c'est ton corps, un chien qui rend un caniche qui rencontre un berger allemand, merde, il transpire pas. Bon, non, mais on rencontre une autorité. L'humain va rencontrer un autre humain, plus petit, même grandeur, mais on dit c'est le pape, ou on dit c'est le patron, ou on dit etc. Puis il est tout transpirant, il est tout mouillé au complet. Puis il se dit, maudit, comment ça se fait? C'est ça, c'est pas l'humain. Mais ça fait perdre du temps. Ce temps-là, c'est la vie. Alors, c'est une force qui gouverne l'humain, puis on s'en nourrit. Là, tu as dit qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'on est fait, on va vivre tout le temps comme non, ça? Non, il n'y a rien à faire. Il y a bien des affaires à faire. Bon, ben, OK. Ben, c'est moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer de ces choses-là. Juste avant, ces forces-là, ils nous amènent-tu quelque part? Ah, ça, oui. Ça, moi, c'est... Non, mais c'est... Le mot « part » est très juste. Moi, de ce que je comprends, c'est que ça nous mène où on ne veut pas aller. Ben, ou ça nous mène n'importe où, finalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Il y a un contexte ici qu'on va appeler le monde, hein, puis c'est notre vie. Bon, faites-vous ce que vous voulez dans la vie. La réponse, c'est non. Et là, explication spirituelle, ouais, mais on peut pas tout faire, toujours faire ce qu'on veut. OK, on peut tout de temps en temps, d'abord, faire ce qu'on veut. On va dire, oui, tu peux aller aux toilettes quand tu veux. Peux-tu avoir envie quand tu veux? Non, mais tu peux y aller quand tu veux, tu prends le chemin. Bon. Tu peux manger ce que tu veux. Peux-tu décider que tu manges plus? Ah, ben non. Et là, il y aura les explications spirituelles ou les explications scientifiques qui vont encore une fois venir empêcher l'humain d'arriver à un écœurement suffisamment puissant ou à une colère mentale suffisamment performante pour sortir ou mettre fin ou mettre les choses à leur place. Si tu regardes ta vie, régulièrement, on envoie des éléments. C'est comme si vous étiez dans un casse-tête. Vous avez des pièces, un casse-tête que le paysage final est beau. Et beau, c'est le paradis. Mais le casse-tête est dans un blender, un mélangeur. On met ça au maximum, puis on vous dit, faites le casse-tête. Ça semble à ça, la vie. Alors, vous mettez un bout là, vous placez un bout là, placez un bout là, pouf, le cancer vous attrape. Vous arrivez à avoir un emploi, enfin, vous commencez à acheter une maison, vous avez la famille, pouf, chômage. Ou encore, tout est parfait, il y en a un qui se drogue, il y en a un qui meurt, il y en a un qui est malade. C'est sans arrêt. Mais pourquoi les meilleurs partent en premier? C'est normal, c'est plus dérangeant dans un contexte comme ça. Mais pourquoi les maîtres du monde auraient intérêt à ce que... Les maîtres du monde dirigent aussi, par le biais des forces astrales, les forces gouvernantes les plus dangereuses sont les forces astrales. Les maîtres du monde, ben, ils dirigent surtout les pays qui sont sous-développés. Ils ont de moins en moins... On est trop cartésien, on est trop intellectuel, la performance pointe mal. Alors, ce qu'on voit en Haïti, au Rwanda, des pays comme ça, ça, c'est plus oui, les maîtres du monde. Parce qu'ils peuvent les... Oui, ben oui, mais en Haïti... Ben, je pense que c'est plus rien qu'ils gouvernent, eux autres. Oui, mais c'est ça. C'est assez beau ce qui se passe, là. Non, mais c'est ça. C'est... En tout cas, donc, au départ, de quelle façon on doit regarder sa vie? Écoute, vous priez. Celui qui ne prie pas a autant de chances d'avoir une vie belle que celui qui prie. Et celui qui vole, qui viole, qui tue, peut vivre merveilleusement bien, alors que d'autres sont honnêtes, vont être sur le bien-être, vont être chômeurs, vont être à la limite, vont souffrir toute leur vie, vont travailler toute leur vie, puis il y en a plein. Puis dans les pays sous-développés où j'ai été, c'est pas le mauvais monde qui sont dans la rue. On rencontre souvent le meilleur monde dans la rue. Et là, explication spirituelle, on va dire, tu vois, la souffrance fait que vous vous améliorez. C'est faux! La souffrance fait que vous souffrez suffisamment qu'on vous lâche, on vous laisse en paix un peu. On va s'occuper des autres. Puis l'être humain, quand il se retrouve un peu plus là, sans ces forces-là, commence à être bon. Regardez simplement toutes les structures de la vie, puis si on finit par juste se choquer un peu, puis il faut se choquer de temps en temps, on est ras-le-bol. Je viens de peinturer, je viens d'arranger mon plafond, puis ça y est, il pleut par le toit. C'est beau. C'est sans arrêt, on entretient sa défaite. Notre santé, on va se ramasser avec d'autres choses. Il y a des gens qui fumeront jamais, qui vont avoir le cancer du poumon. Il y en a qui vont fumer comme des cheminées, puis qui ne l'auront jamais. OK, il y a une propension. Celui qui va fumer plus a plus de chances de, oui. Mais ce que je vous dis simplement, c'est que la justice, cherchez-en pas. Non, c'est vrai, c'est-à-dire de ne pas fumer. C'est totalement mélangé, organisé. Il y en a qui... J'ai rencontré une dame à l'époque où je travaillais pour Urgence Santé, végétarienne, correcte. était en forme, elle était enceinte, elle a tout fait, vraiment vérifié avec les médecins aussi, là, pas juste spirituel pété, là, spirituel centré, donc correct, avec les médecins, etc., en même temps, vraiment correct. Son petit est venu au monde prématuré, dans l'ambulance, il n'y avait pas de pied, il n'y avait pas de nez, il n'y avait pas d'yeux, il est mort rendu à l'hôpital, alors que l'autre va se droguer pour avoir un enfant correct. Mm-hmm. Puis évidemment, plus tu te drogues, plus tu as de chances d'avoir un enfant avec problématique, plus tu te mets en santé, plus tu as de chances d'avoir un enfant correct. Mais c'est pas une garantie, c'est ça voilà. qui arrive. Mm-hmm. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que on doit arrêter notre façon de penser à un moment donné pour étudier ces forces-là qui gouvernent l'homme. Puis quand je parle de force, est-ce que c'est intentionnel? Cette question-là, c'est une aberration phraséologique, c'est une question qu'on ne devrait pas se poser. La question n'est pas là. Il pleut, oui, mais c'est-tu la maudite pluie? Prends un parapluie, puis laisse faire qui sait. Hmm? Il ne pleuvra plus sur ta tête. Il va pleuvoir ailleurs, tu vas rester au sec, mais un imperméable. Alors, avant de toujours vouloir savoir, oui, mais c'est qui que, ou qu'est-ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'ils en veulent, il y a beaucoup de mécaniques. Des mécaniques, ça veut dire que c'est explicable scientifiquement, c'est explicable aussi émotivement ou spirituellement, mais la spiritualité va toujours essayer de placer une intentionnalité bénéfique ou malsaine, sécurisante, protectrice ou envahissante, agressive. Et là, ça fait en sorte qu'on perd de l'énergie dans notre émotivité. C'est comme je mélange deux produits chimiques, puis je me dis, ah, il y en a un qui attaque l'autre, attention. Bon, oui, OK. Mais scientifiquement, je vais comprendre qu'il y a une réaction exothermique, par exemple, trop violente, qui va faire en sorte que ça peut les... Bon. Dans les deux cas, je peux apprendre à contrôler ces forces-là. Il y en a une ici qui demande plus d'énergie émotive et qui fait en sorte qu'on est plus souvent assujetti au joug des manipulations des forces astrales. Alors, ce qu'on veut, moi, je veux qu'on remarque au minimum, c'est sa vie. Et là, on va découvrir qu'il y a des forces qui manipulent l'humain. Par exemple, il y a des forces très naturelles. On a besoin de dormir. C'est niaiseux en maudit. Parce que c'est la moitié de sa vie qu'on passe couché. Puis si on ne la passe pas couché, on la passe malade. Pour aller se coucher. Hein? Bon. Ah oui, manque de sommeil. On n'a pas le choix, c'est ça. Bon, etc. Ensuite, il faut manger. Il y en a qui disent, oui, mais j'aime ça manger. Oui, mais si vous n'aviez pas besoin d'aimer ça manger, c'est-à-dire que vu que c'est nécessaire de manger, une chance que vous aimez ça manger, mais ça caresse quand même qu'en tant qu'être vivant qui a de l'intelligence, c'est une perte de temps majeure. En plus, il faut tuer, il faut travailler, il faut dépenser, il faut perdre du temps, c'est bon. Mais jusque-là, quand on décide de dire c'est assez, hein, à l'époque où on passait notre temps à aller cueillir, vous en rappelez peut-être pas vous autres, là, mais en tout cas, ça fait quelques centaines d'années, à la cueillette ou à la chasse. La chasse, c'est ça, chasse en cueillette. T'attendais le monsieur caribou, le monsieur orignal, le monsieur Saint-Jotel qui se pointe là, puis là, on descendait. Mais là, c'était normal. Jusqu'à temps que quelqu'un, quelque part, se dit, j'en ai ras-le-bol. Oui, mais ce sont les lois de la nature, ce sont les lois de Dieu, tous les animaux font. Je suis pas un animal, j'en ai ras-le-bol. On va cultiver les plantes, puis on va avoir des troupeaux d'animaux, puis on va se donner plus de temps pour comprendre, pour améliorer notre sort, pour s'entraider et pour vivre. Mais pourquoi il y en a quand on parle, bon, par exemple, tu parles de la nourriture, puis le temps qu'on passe, bon, aller au magasin, ensuite préparer les repas. Mais tu peux travailler avant pour pouvoir aller au magasin. Après ça, tu prépares les repas, tout ça. Le temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et loin d'occupation. C'est ça. Mais si, mais souvent, les gens, quand ils parlent, plus tard, dans le futur, on va manger des pilules, ça va être effrayant. Tu sais, ils voient ça noir, alors que ça va. Ça fait partie de l'astralité. Ça sera pas effrayant. Mais non, si t'es en pleine forme, tu manges de thé. Ce serait pas effrayant. Ben non, ça va être correct. Bon, exactement, comme retour dans le passé, un jour, on va aller simplement voir dans une boutique, là, puis on va avoir déjà la viande, là, on va avoir les légumes, là. Hein, c'est écœurant. Moi, j'aime bien passer tous les matins à semer ça, après ça, faire peur aux corbeaux, puis espérer qu'on peut boire assez, puis manger que les légumes qui sont là. Alors que là, vous avez des bananes qui viennent des pays de chauds toute l'année. C'est uniquement une question d'adaptation des forces astrales, d'adaptation de la pensée. Mais il faut. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est qu'à un moment donné, dans les forces qui gouvernent l'homme matériellement, on aura le bol. Vous êtes malade, plus des forces naturelles, mourrez. À un moment donné, on se dit, écoute, toi, je t'aime, je veux pas que tu meurs. Fait qu'on va trouver quelque chose. Puis à un moment donné, oups, un médicament. Oups, il meurt pas. Oups, l'espérance de vie grossit. Ça devient intéressant. Il y a des guerres tribales. Ah, c'est toujours fait comme ça. Ce sont des forces. Ce sont tristes. Les dieux veulent ça. Les ancêtres veulent ça. Et à un moment donné, on dit merde, c'est assez. Bien, les ancêtres, ils changent d'idée. Les dieux changent d'idée. OK. Quand tu dis merde, c'est assez, c'est que tu parlais tantôt d'une colère mentale où t'en auras le bol. Ça veut dire que ça, là, c'est. À ce moment-là où là, tu dis c'est assez, c'est que là, tu commences à décoller des forces, là. Comment il se passe quelque chose de spécial? Capable de décoller, mais c'est là que vous allez être confronté aux forces qui gouvernent l'homme. Quand vous dites, j'en ai ras-le-bol, c'est assez, vous allez vous rendre compte de l'énergie qui va être mise maintenant autour de vous pour vous empêcher de changer. Mm-hmm. Tu veux cesser de fumer? Tu vas voir la quantité de gens qui vont s'arranger pour que tu continues à fumer, plus qu'avant. Et là, psychologiquement, on va dire que c'est parce que tu les confrontes à leurs problèmes. Oui, mais c'est... Moi, je ne fume pas. On ne veut pas me faire fumer. Je les confronte à leurs problèmes. Mais toi, tu fumes, tu veux cesser de fumer. Ah ben là, ils vont s'organiser pour que tu continues. Alors, parce qu'il y a des forces, donc il y a dans l'astral des choses qui se nourrissent du fait que tu fumes, qui ne te lâcheront pas comme ça. Tu veux cesser de boire, on ne te lâchera pas comme ça. Tu veux cesser d'être colérique, on ne te lâchera pas comme ça. Tu veux cesser de manger mal, on va t'en donner de l'appétit pour les cochonneries que tu veux lâcher. Tu veux maigrir un peu, on va s'organiser pour que tu engraisses un peu plus. Mais est-ce qu'il y a moyen d'arriver d'être plus puissant que ces forces-là? C'est évident, il y a plusieurs moyens pour arriver à faire ça. Il faut que l'humain apprenne premièrement à connaître les... Voyez-vous, regardez bien comment ça se passe. Là, je vais vous dessiner ça, là. Évidemment, ça se passe pas comme ça, mais ça ressemble à quelque chose comme ça. L'énergie, l'intelligence... Puis moi, depuis que je remarque l'humain, que j'observe les autres, je me rends compte que l'intelligence, il y en a chez tout le monde. Puis quand moi, je parle d'intelligence, je ne parle pas de réussir à l'école. Ça, c'est de l'intellectuel, c'est bon. Mais je parle de spontanéité. Je parle de capacité de résolution de problèmes. Je parle d'écologie. Quelqu'un qui va être capable... L'intelligence, c'est toujours esthétique. Quelqu'un qui est capable de dire que telle situation planétaire ou événement, c'est niaiseux, c'est stupide. Même s'il n'a pas suivi des cours de n'importe quoi, c'est ça l'intelligence. Quelqu'un qui est capable de trouver que telle personne est « Hey, elle est brillante, c'est de l'intelligence. » Bon, ça, c'est de l'intelligence. Il y a plusieurs autres facettes d'expression d'intelligence, là, mais dans sa valeur pure, c'est ça. C'est d'être capable d'apprécier ce qui est esthétique. L'intelligence, elle descend chez l'être humain. Maintenant, rendu dans votre corps physique, bien là, il y a des structures, un peu comme une radio. Moi, j'émets à ma station, j'émets en FM, j'émets en quadriphonie, donc pas en stéréo, mais sur quatre voix plutôt que deux. Et la radio qui reçoit ça, ben c'est des vieux haut-parleurs avec des gros électro-aimants connectés sur le mur. Alors, ça chante à merveille, puis dans la radio, c'est... Bon. Alors, la problématique, c'est pas que l'émetteur est pas bon, c'est que le récepteur a des problèmes. Si on améliore le récepteur, lentement, le son est meilleur. Lentement, on comprend mieux le message. Là, on commence à se nourrir, à aimer la musique, puis quand c'est rendu quadraphonique, on entend ça comme si on était réellement au cœur de l'orchestre. Là, dans ça, le récepteur, c'est nous autres? Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que l'intelligence descend. Elle passe par ici, par là, comme ça, ici. Donc, ça passe comme ça. Et il y a une expression endocrinienne ici, une expression laryngée ici, une expression là, une expression là. La problématique, c'est que si ta programmation, donc tes structures physiques, donc cérébrales, neuroniques et endocriniennes, sont mal organisées, ça va mal s'exprimer. Alors, tu seras déficient mental, tu seras peut-être extrêmement violent, tu seras, bon, dépendamment de certaines choses. Mais en plus, il y a tes structures psychologiques. Ça, ici, vous autres, l'intelligence, l'être humain, quand il s'exprime, ça descend dans un corps astral, le corps psychologique. Là-dedans, il y a les mémoires, il y a les désirs, il y a les émotions. Il y a l'ego qui se trouve là-dedans, ici, là, qui est une densité de mémoire. Quand ça rentre là-dedans, c'est ça qui s'exprime dans le contexte planétaire. Et il y a des lois qui régissent ça. Quand je parle de lois, ce sont des lois naturelles, donc des mécaniques. Ça veut dire que tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes, tu vas y dire, puis là, il peut t'insulter. Bon, c'est ça. Ça veut dire que vous voulez dire certaines choses, t'es pas capable. C'est pas ça qui sort. Mais c'est ce que souvent la part, c'est pas le dire. Parce que toi, tu veux le dire, t'as pas les structures pour que ça sorte. Donc, pas capable. Ou encore, quelqu'un va dire, maudit, tu parles bien Daniel Kemp. Quelqu'un dit ça. Et là, la personne va dire, tu sais, moi, là, je suis d'accord avec lui. C'est juste que moi, j'ai pas les mots. Mais ça, c'est une question de structure. C'est pas une question d'intelligence. C'est une question de structure. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'une personne qui n'a pas eu d'instruction, quelqu'un, par exemple, qui a laissé l'école en deuxième année, bon. Et là, on va dire, oui, mais elle n'a pas beaucoup d'instruction, c'est pour ça qu'elle ne peut pas tout comprendre, tu sais, puis qu'elle a de la misère. Mais l'autre qui a terminé en deuxième, par exemple, universitaire, a plus de compréhension. C'est pas parce qu'il y a plus d'informations, c'est parce que tout le long de son éducation, il a refait ses structures à l'intérieur de lui, ce qui fait que l'intelligence descend d'une façon différente et il y aura une expression d'efficacité différente. L'être humain, lui, à sa naissance, il vient au monde, et là, les forces astrales par le biais de l'éducation collective, parentale, etc., donc c'est la faute à personne, mais on s'arrange pour l'éduquer d'une façon à le structurer de façon à ce que l'astral s'exprime plus par lui que son intelligence, et à ce que quand l'intelligence s'exprime, ça s'exprime toujours assez coloré qu'il n'arrive pas à se centrer, donc à se comprendre. Donc l'intelligence, c'est la même pour tout le monde, sauf qu'il y en a qui sont plus structurés que d'autres pour l'exprimer. Oui, c'est évident que je ne connais pas d'être humain pas intelligent. Bon, je n'en ai jamais rencontré. Maintenant, c'est évident qu'avec mes amis, plusieurs de mes amis m'ont souvent demandé, « Voyons donc, il n'est pas intelligent à l'autre là-bas. » Puis moi, je disais, « Ah, il est très, très brillant. Ben, voyons donc. » Moi, je vois cette intelligence chez l'être humain, je la sens, télépathiquement, on la communique, puis c'est vrai souvent que je m'entends avec ces personnes-là d'une façon parfaite, alors que d'autres individus, ils ne sont vraiment pas capables de les sentir. C'est stupide. Mais c'est pas stupide. Sauf que moi, on va avoir une communication plus télépathique au niveau d'intelligence-intelligence, alors que les autres vont avoir une communication par les voies normales, et ces voies normales-là sont totalement colorées par les structurations psychologiques, donc astrales. Alors, quand on parle de force qui gouverne l'homme, ce qui va arriver, c'est que le moindrement que vous voulez changer de vie, changer quelque chose dans votre vie, on vient appuyer sur des leviers à l'intérieur, puis ça vient fausser automatiquement votre façon d'exprimer. La personne, elle dit, « Bon, moi, je décide de me prendre en main. Pas de problème. » Et première chose qu'elle fait, ça marche. Parfait. Deuxième, ça marche pas. Troisième, ça marche pas. Quatrième, ça marche pas. Mais dans d'autres cas, on les ruse bien mieux que ça. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Puis quand tu essayes la grosse, elle te casse le nez. On t'a donné de la confiance pour que tu regardes plus rien après. Et il y a régulièrement des gens qui vont venir te manipuler, comme tu n'en as pas normalement. Tu sais, j'aurais donc pas dû l'écouter. Pourquoi l'as-tu écouté? Là, tu as dit, ils vont te donner quelque chose pour que, bon, les trois premières fonctionnent, la quatrième ne fonctionne pas parce que tu étais tellement confiant que tu n'as pas regardé. Ça veut dire que si tu l'avais regardé, tu aurais pu faire en sorte que ça fonctionne. Est-ce que ça veut dire qu'on est structuré pour s'en sortir quand même? Ou? Mais premièrement, on a de l'intelligence. On n'est pas structuré pour s'en sortir, mais vu qu'on est intelligent, on est capable de se restructurer pour s'en sortir. C'est évident qu'il y a des gens sur la planète Terre qui ne sont pas structurés pour être capables de se restructurer. Bon, ce n'est pas la majorité, mais il y en a. Alors que les gens qui font des cheminements, de toute façon, sont des gens qui déjà veulent se restructurer. La problématique, c'est que si les gens ne connaissent pas ces mécaniques-là, et ça, au niveau des conférences privées, on en a parlé suffisamment à un moment donné, les gens peuvent facilement être confrontés, on peut facilement les amener à se rendre compte qu'il y a une nuance, ça vous le savez déjà là, mais on peut voir la mécanique à un moment donné quand on prend le temps, entre ce que vous voulez et ce que vous avez. Hein? Tout le monde sait qu'il y a un décalage majeur entre ce qu'on veut et ce qu'on vit, ce qu'on a. Et moi, ce que je vous dis simplement, c'est qu'il y a des mécaniques, il y a des techniques, il y a des façons pour arriver, on parle de mécanique, de force qui gouverne l'homme. Ces forces-là viennent s'implanter là. Il y a ce qu'elles veulent et non pas ce qu'on veut, et on se sert de nous. Et ça, on le voit régulièrement. Vous voulez faire de l'argent? Un exemple. Vous voulez faire de l'argent, c'est correct? Parfait. Alors moi, je vends des machines pour épurer l'eau. C'est 900$ chaque. Et si vous m'en achetez 8 là, au départ, parce qu'il faut en acheter 8 pour pouvoir être vendeur, bien là, vous allez pouvoir vendre ça 1600$, puis vous allez faire la moitié. Vous avez fait de l'argent maudit. Ah, le monde, il y en a qui embarquent. Il n'y a rien qu'un qui fait de l'argent, évidemment, c'est moi là-dedans. Parce qu'à 1600$, vous allez en rendre peut-être à votre mère, mais il n'y a personne d'autre qui va en acheter. Alors moi, j'aurais fait de l'argent en masse, puis vous autres, bien non. Pourquoi? Vous partez avec ce que vous voulez, qui est intelligent, et là, automatiquement, ces forces-là ici vont pénétrer votre émotivité, vont aussi m'organiser moi pour vous charrier, et vous allez vous faire avancer parce que vous n'êtes plus capable d'être suffisamment lucide pour monnayer votre intelligence. Oui, mais moi, je pensais instruit. Pas besoin d'instruction. La majorité des génies n'étaient pas instruits. Il y en a qui l'étaient, mais il y en a plusieurs qui ne l'étaient pas. Oui, mais moi, je pensais puissant. Ça, c'est une question de formation. C'est pas une question de vous autres, là. Vous n'êtes pas capable de parler, ça prend. Vous n'êtes pas capable de penser, que juste, ça s'apprend. Vous n'êtes pas capable de foncer, d'avoir une tenue, puis d'avoir un charisme. Ça s'apprend. Ça se forme. Vous n'êtes pas capable d'avoir confiance en vous. Et on va vous restructurer. Ça se forme. Ben ça, je l'ai dit, c'est ça que tu appelles la restructuration. Oui, bien c'est sûr. Bon, c'est un travail métacognitif. Maintenant, donc, il y a ce qu'on veut, et ce qu'on veut, puis ce qu'on a. Le décalage entre les deux, nous, on va l'expliquer par des phénomènes scientifiques ou des phénomènes spirituels, donc émotifs. Et moi, ce que je te dis, c'est qu'à l'intérieur de ça, ici, il y a une nuance marquée. Exactement comme en Haïti. Le peuple veut quelque chose, ben regarde ce qu'il a. Ben, il y a une force qui gouverne le peuple. Et c'est le gouvernement haïtien. Le gouvernement qui est gouverné par une autre force, c'est évident. Dont la CIA, dont un paquet d'autres, et finalement plus loin que ça. Mais si on se met au niveau du peuple, le peuple qui dit, oui, mais crime, chaque fois qu'on fait ça, qu'on fait ça, qu'on fait ça, il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Quand l'humain commence à être riche au Québec, on va augmenter les taxes, on va augmenter les impôts, on va augmenter, il y a un mouvement qui se fait. Et là, ce qu'il faut dire, à un moment donné, la personne qui se dit, mais là, t'es un petit peu, il faut que je trouve une autre façon de faire de l'argent. Mais là, commence donc par étudier les forces qui gouvernent ton porte-monnaie pour voir de quelle façon tu peux jouer avec les lois de l'impôt, avec les lois de fiscalité, c'est déjà le minimum, pour être capable de cesser d'en perdre. Bon, un fiscaliste va t'expliquer ça. Bien, un religieux va vous expliquer d'autres choses. Un exorciste va vous expliquer foudrement autre chose. Un occultiste va vous expliquer autre chose. Il y a de ces forces qui, sans arrêt, sont sur le dos de l'être humain. Et l'être humain pense que c'est sa nature et que ça fait partie de, ce, de son être-té ou que ça fait partie des lois incommensurables de la vie. Tu viens, tu souffres, tu apprends, puis ouais, franchement. Imaginez que tout ce que vous apprenez sur la planète Terre, si ça vous permet d'aller au paradis, bien au paradis, là, il n'y a plus aucun problème comme sur la Terre. Hein? C'est le bonheur. Donc, tout ce que vous apprenez ici, vous ne servira pas là-bas. Bon. Alors, entre toi et moi, à un moment donné, quelque part, on me niaise. Les autres vont dire que ça te purifie pour te permettre... Oui, mais ça me purifie. On me pousse à la planète Terre, après ça, on m'envoie tout ce qu'il faut me polluer, puis après ça, on veut m'épurer. Voyons donc. Ah, moi, je suis bien d'accord. Donnez-moi des aliments qui sont purs. J'aurais pas besoin de médicaments après. C'est banal. Bon, donnez-moi une planète qui est correcte. Donnez-moi un corps qui est correct. Puis on va être correct, tout le monde. Mais il y a les forces qui gouvernent l'homme, les oppositions entre les forces. Pourquoi les Russes et les Soviétiques avaient peur des Américains et les Américains avaient peur des Soviétiques? Mais pourquoi tout le monde a peur de tout le monde, de toute façon, en partant? Bon, pourquoi Saddam Hussein, il veut le pouvoir? Mais son pouvoir, il fait qu'il va aller tuer ceux qui n'en veulent pas de pouvoir. Hein? Il y a du bon monde qui sont morts dans son affaire. Autant des Irakiens que des Koweïtiens. Il y a du bon monde qui sont morts là-dedans. Le méchant est toujours vivant, lui, là. Mais il y a du bon monde qui sont morts là-dedans. Mais ces forces-là, il n'y aurait pas moyen d'être heureux puis soit nourri quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est illégal dans le chronotope actuel. Si tu veux être heureuse, il faut que tu changes de monde. Et l'humain, ce qu'il s'est toujours fait dire dans sa tête, c'est que si tu veux être heureux ou si tu veux être bien, il faut que tu changes le monde. Parce qu'il est parti en mission, là, pour changer le monde. Eh oui. Là, pour ça, c'est une occupation, t'en as pour quelques milliards d'années. C'est ça, ça finit plus. Faut que tu glisses de mon compte, faut que tu changes de monde. Et ça, ça se fait. Bon, ça se fait. Changer de monde, c'est ce que tu disais tantôt, là, quand tu parles de tout restructurer nos. Le moindrement que vous changez votre façon de penser, vous allez automatiquement vous rendre compte que vous allez rencontrer des gens qui pensent un peu plus comme vous. Vous allez aussi vous rendre compte que, c'est drôle, mais il y a certains amis qui, hop, tu sais, pensent comme vous aussi, ou pensaient comme vous, qu'on va dire. Vous allez subitement trouver des livres qui, ah tiens, des livres. Quand on commence à changer, souvent, spirituellement, on va dire, quand tu commences à en avoir besoin, ça se présente. C'est pas ça. Vous changez de monde. Donc, vous allez dans un monde où c'est plus en affinité avec vous. Fait que nécessairement, il y a plus de gens comme vous. Il y a plus de livres pour vous. Il y a plus de films pour vous. C'est ça qui est le changement chronique. Mais ça veut dire comprendre minimum les forces qui gouvernent l'homme puis cesser de penser que ça fait partie de sa nature. Vous êtes colérique, vous n'êtes pas colérique. Il y a une structure chez vous qui fait en sorte que quand l'énergie passe, elle sort de même. Bon, quand c'est clair, je vais encore exprimer la colère. Mais je peux maintenant me dire que je vais réapprendre. En thérapie de groupe, ça fonctionne. En discutant, ça fonctionne. En méditant, on se change. Puis il y a aussi en apprenant, en comprenant les mécaniques, quand vous jouez les mécaniques. Nous vous invitons à la prochaine conférence. Les thèmes seront « Comment dépasser les barrières de l'illusion ». Une connaissance qui peut changer votre vie. Il aura lieu ici même, le 14 octobre 1994. Alors, merci tout le monde. Merci Daniel. Bonsoir. Bonsoir.